Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 76. J'espère que vous allez bien. On est mardi matin, le 15 juin 2021. Drôle d'année. Et puis, voilà, j'ai pas enregistré d'épisode de la semaine dernière. J'étais dans le jus solide avec, bien sûr, le magasin et la gestion de la réouverture de Arcade MTL. Réouverture qui aura lieu ce vendredi, qui donne le 18 juin, en fait. Exactement. Donc, c'est ça, il y avait beaucoup à faire. Comme je l'ai déjà mentionné, on n'a plus de gérant, gérante, alors il faut... attendez, je vais juste prendre une note. OK. Fait que c'est ça. Habituellement, chez nous, c'est le gérant ou la gérante qui s'occupe d'engager le staff, faire la formation, expliquer toute l'affaire, bien sûr. On est là aussi. On n'est pas très meeting staff, on a de la misère à être les quatre propriétaires ensemble. Mais là, on avait comme une presque entière nouvelle équipe. Il y a juste trois anciens qui retournent, dont le plus ancien est là depuis 2 ans, dont 1 an a été fait en COVID, tu sais. Sinon, il y en a 2 autres aussi anciens, mais ils ont juste un peu travaillé COVID. Fait que bref, tout le monde est quand même assez très green présentement à l'arcade. Donc, faut faire un horaire, s'assurer que ça marche pour tout le monde, et puis... les salaires, gérer ça, tout a changé, bien sûr. Même nous autres, on regarde nos paramètres, c'est comme, hey, c'est quoi donc le login de Google pour notre drive? Tu sais, comme, on oublie tout, il y a plein d'affaires qu'il faut remettre à l'ordre. Et puis, on s'est rendu compte hier soir que le lave-vaisselle est pété, puis, tu sais, c'est ça. On a fait la semaine passée, un soir, on est allé. J'ai été bien occupé la semaine passée, hein. On a fait Rétro Nouveau mardi. Lundi, qu'est-ce qu'il y avait lundi? Non, j'avais quelque chose là. Ah, meeting staff de Rétro MTL au parc. Donc, question de voir toute l'équipe. Et puis, on est quand même pas mal d'employés chez Rétro MTL maintenant. Là, ça, on était tous dans la salle conférence avec nos masques. Tu sais, on projetait notre présentation. PowerPoint, ben, Google Slides. Et puis, ouais, ça commence à être sérieux tout ça. Alors, c'était bien agréable. Fait que meeting staff Rétro MTL lundi, mardi Rétro Nouveau, mercredi à l'arcade, là, toute la soirée jusqu'à tard pour se réparer puis vérifier toutes les machines, absolument. Jeudi, j'étais dead. En plus, les chums allaient boire la bière au parc. Moi, je m'en vais crasher dans mon divan. Me rattraper sur les épisodes de Si on s'aimait avec ma douce conjointe. Et puis, m'endormir tôt. Puis, continuer à battre les grosses journées qu'on a au magasin. Fait que c'est ça. J'étais brûlé raide. J'étais stressé. Et puis, hier, lundi soir, c'est ça. Tout le gossage autour de la gestion de la réouverture est fait. Il faut que je fasse un visuel pour l'événement. Fallait gérer l'horaire. Fallait rencontrer tout le monde. Chose qu'on a faite hier soir. T'sais. Là, le meeting a bien été. Tout le monde est chill. Fait que moi, j'ai comme... Moi aussi. Je me sens plus chill présentement. Et puis, la réouverture, t'sais, ça va être à capacité un peu moindre quand même. Et puis, ça sera pas comme un gros samedi soir tournoi de Smash. T'sais, du monde dans la place a pu finir, qu'on marche de même, t'sais, il fait chaud. T'sais, ça va être quand même, somme toute, probablement tranquille. Les gens ne se garochent pas dans les bars non plus, mais je pense qu'ils vont y aller beaucoup plus qu'à la première réouverture qu'il y avait eu l'année passée parce que tout le monde avait peur de la COVID, puis c'est bien normal. Il y avait eu genre 5 personnes à la grande réouverture de Arcade MTL l'année passée. C'était tellement déprimant, là. Oh my god, je capotais. Pas une gorgée de café. Fait que on a rencontré l'équipe hier. Tout du monde quand même pour la plupart qui ont jamais fait de. Qui ont pas travaillé dans des bars ou des restos. Ben une coupe, non, une coupe quand même, dans des restos et tout. Fait que très belle équipe, j'ai hâte de voir ça. Les gens avaient de l'air motivés, t'sais, pis c'est plate. On peut pas leur. Ils vont être 2 par jour, donc une personne au bar qui fait du bar et du service aux tables, donc servir aux tables. L'autre personne qui gère l'accueil et puis qui fait boss boy, boss girl, qui ramasse les vides et puis qui nettoie un peu les machines, puis bon, qui accueille les gens, la location du jeu pour les consoles, etc. Fait que ça donne rien d'avoir plus de monde que ça. Donc, mais ils sont combien d'employés? 7? 7-8, je me rappelle plus, à peu près, mettons. Puis ils sont deux par soir, tu sais, fait que je peux pas donner des chiffres. Non, ils sont 5. Ah, fuck off, là. Anyway, tout le monde, on a les trois anciens, on est ouvert 6 soirs par semaine. Donc, il y a juste le lundi qu'on est fermé. Et puis, les anciens, on leur a donné chacun le bar, parce qu'on met les anciens au bar. S'il y a une hiérarchie dans le bar, c'est que au bar, c'est en haut, puis à l'accueil, c'est là qu'on commence. T'sais. Mais c'est pas l'accueil, c'est pas le fond du baril là, chez Arcade MTL. C'est super important. Accueillir les gens, expliquer le concept. C'est là, des fois, qu'il y a des gens qui sont comme « Ah ouais, il y a un prix d'entrée, tu sais. » Puis ça se joue là un peu comme « Ben ouais, ici, il y a un prix d'entrée, mais t'as au-dessus de 25 machines gratuites. » Là, il y en a pas, mais il y en a normalement du popcorn gratuit, tu sais. T'en as pour ton argent, là, chez nous, là, tu sais. Fait que... excusez, fallait que je check de quoi... Donc, c'est ça, le poste d'accueil est super important. Puis la personne à l'accueil loue les jeux aussi, fait que collecter les cartes, s'assurer qu'on se fait rien voler, etc. Donc, voilà. Alors, on a 6 soirs. Les 3 anciens ont chacun 2 soirs. Et puis, les nouveaux, ils ont tous un chiffre par semaine. Et puis, il y a une fille qui en a, on y en a donné 2 parce qu'il restait un chiffre de lousse. Fait que, c'est ça. Alors, on commence de même. Et puis, par contre, je pense que ça va ouvrir vite. Parce que hier soir, à 5 heures, genre, avant même qu'on se déplace pour aller au meeting, le gouvernement a annoncé que, normalement, on était supposé faire le last call à 11 heures et fermer à minuit. Mais là, le last call, il va être à minuit et on a le droit de fermer à 2 heures. Donc, le gouvernement vient de décider de changer ça. D'ailleurs, il y a une conférence de presse tantôt à 1h du gouvernement. Et il y a le Nintendo Direct à midi. Donc, puis il y a mon podcast que vous allez écouter en après-midi. Alors, vous avez de quoi vous mettre sous la dent, chers amis. Et puis, c'était le E3 aussi, je vais en parler de ça après. Donc, si le gouvernement... Là, je suis un peu fâché aussi par rapport à ça, parce que, sais-tu... Là, il est question du Canadien là-dedans. Le Canadien est en série. Là, c'est-tu genre... Ah ben là, ouais, le Canadien est en série, les games sont à Vegas, tu sais, ça serait bien que les gens puissent l'écouter jusqu'à la fin quand même. Fait que OK, on va permettre, tu sais, d'ouvrir. Tu sais, moi je suis pas contre ça là. Mais tu peux-tu juste genre casual changer les affaires de même à dernière minute à cause du hockey, tu sais, alors que c'est supposé être la pandémie et puis c'est les règles sanitaires puis c'est la santé, les gens meurent. Comme fuck you, là, ça fait un an et demi, moi, que je suis bafoué, que je dois tout fermer, tu sais, puis réouvrir, puis gosser, puis me faire chier, puis c'est compliqué, puis j'ai des pertes. Puis là, le Canadien est en série, c'est correct, vous ouvrez, c'est correct. Hey, ça me montre, on dirait que ça me montre à quel point c'est pas toujours si sérieux, ça, là, tu sais, puis que, en tout cas, moi, c'est ça, là, qui vient me fâcher un peu. Moi, en passant, moi, je suis super comme lousse présentement. T'sais, tout le monde est vacciné. Je sens déjà dans la vie qui m'environne, les gens sont pas stressés là, t'sais, avec le masque, le virus et tout ça. Tout le monde est très chill. Fait que, puis moi, je suis bien correct avec ça. Il y avait des... quand le Canadien jouait contre les Jets à l'extérieur du Centre Bell, il y avait du monde dans la rue. Tout le monde était agglutiné ensemble. T'sais. Moi, ça, je m'en calisse, t'sais, comme je pense qu'on est rendu là. Et puis, il n'y a pas de danger réel par rapport à ça. Fait que, good, desserrer les règles, c'est bien correct. Mais c'est juste de voir la façon que c'est fait. T'sais, on dirait que ça enlève un peu de crédibilité à la façon que c'était avant. Bref, fait que moi, c'est ça qui me fâche un peu. Hey, j'ai super chaud. Fait chaud dans mon bureau. Anyway, fait que déjà, le gouvernement a annoncé qu'on pouvait faire ça. Alors, je pense qu'à la conférence de tantôt, ils vont annoncer la Montréal en zone verte très prochainement, genre probablement plus rapidement qu'on pensait, c'est-à-dire à partir de lundi prochain, ce qui serait absolument fantastique. Et puis, les prises de rendez-vous pour la deuxième dose vont sûrement réouvrir très bientôt. Alors, on y arrive, les amis, on y arrive. Puis là, c'est ça, là, on a eu le meeting staff hier, c'était comme un peu la dernière grosse étape. L'ouverture est vendredi, tantôt je vais annoncer l'ouverture sur Facebook, mais somme toute, tu sais, on est prêt. Là. On est un peu green encore, on est un peu rouillé, mais on est prêt à ouvrir. Puis juste de, moi personnellement, de réouvrir l'arcade, tu sais, c'est comme le dernier step vers ma vie d'avant, tu sais. être là-bas, être avec les gars, réparer les machines, prendre une bière, tu sais. Là, c'est comme, OK, ça sent bien, là, on va recommencer à gérer ça, tu sais, puis ça va repartir tranquillement, puis ça me fait un bien énorme, tu sais. Oui, il y a du stress par rapport à la gestion de tout ça, mais un coup qu'on va être en ligne, tu sais, puis ça va rouler bien, puis ça va venir, tu sais, comme déjà mon stress a baissé là, de 70%, tu sais, je suis vraiment content. Puis, tu sais, quand on a ouvert le bar, lui-même, pour la première fois, il y a 5 ans, il y avait un line-up dehors, il y avait un raz-de-marée de monde, tu sais, pendant 2 jours, là, à côté, là. Fait que, ça, c'est un baptême de feu pour l'équipe. Mais là, ça va être plus chill, tu sais, fait que je trouve ça correct aussi, c'est une bonne façon de former les nouveaux, là, tu sais. Donc, je vais être là vendredi, s'il y en a parmi vous qui veulent venir prendre une petite bière, je vais être présent. Et puis, on verra ce que ça donne, là. On va jouer aux machines, on aura du fun. Et puis, l'année passée, on avait, avec Eric, relancé, on avait fait un tournoi de Smash alors qu'on était ouvert en zone jaune, donc comme ça va l'être à partir de présentement. Donc, les tournois, on n'en fera pas un tout de suite, là. Mais, tu sais, quand on va être ready, je veux relancer ça aussi, puis toutes les belles activités là, autour de ça. Puis là aussi, il y a d'autres choses, c'est que... OK. La bière est back-order, tu sais. Nous autres, on est avec la Bat et Boréal. Et puis... Puis, tu sais, c'est la même affaire chez Molson, anyway, là. Brasseur, Montréal, whatever. Tout ça est la même affaire partout. Et puis... on n'a pas les mêmes bières. On n'a pas la bière qu'on voudrait, tu sais. Là, on a de la Stella Artois, de la Michelob Ultra, tu sais, on veut pas ça. Normalement, on a de la Chippy de Archibald aussi, qui est notre rousse, donc une Pale Ale. Là, la BAT, ils sont pas capables de nous fournir assez de sortes de bières, tu sais, pour remplir nos 8 fûts. Fait que là, on va avoir un deuxième fût boréal pour compenser, ça va être de la rousse, tu sais, comme ça, on a de la rousse au moins. Fait qu'on a de la Nord-Est aussi. Fait que là, notre line-up, ça va être la Mario Bros. Notre bière maison, encore une fois, toujours populaire. Après ça, Stella Artois, Michelob Ultra, on va avoir encore de la Hoo Garden, Boréal Russe, Boréal Nord-Est, IPA du Nord-Est, miam miam. De Pixel, on va avoir de la Citra Sonic, et puis that's it. Fait que voilà, c'est ce qu'on peut avoir. Donc ça fait partie comme de la réouverture de la COVID, aussi la bière, c'est... On avait des cannes, tu sais, vieilles, là, d'un an de Boréal qui étaient encore dans le frigo qui était débranché, bien sûr, ben, et fermé, la chambre froide. Donc, Boréal sont partis avec ça pour nous créditer les canettes et tout. C'est plate, on avait de la bonne IPA, là, j'ai oublié le nom, là, la canette est orange et mauve foncé, là. Hey, Boréal, ils ont fait tellement de spin-offs de New England IPA, dernièrement, puis ils sont full là-dedans. Fait que, bref, tout ça est à gaspiller, mais ils repartent avec. On va avoir aussi toutes les saisons des plages, ISA des chutes, Pills des mers, la série Artisan qui appelle, hein, qui est quand même une série très régulière. On avait ça, fait que tout ça est plus bon, fait qu'ils sont repartis avec ça. Alors, on aura de la boisson, mais c'est pas la boisson qu'on souhaite, mais écoute, on s'en sac, hein? Ça va être le fun. Donc, je suis bien excité de ça. Puis mes Patreons dans Discord, vous êtes bien sympathiques de vouloir qu'on fasse une genre de soirée pour pratiquer le crowd, pratiquer notre staff. Et puis j'y avais pensé aussi, puis c'est exactement ça que je voulais faire, une genre de soirée privée dans laquelle j'invite les Patreons et les amis et tout. Puis on fait une soirée, gens proches pour pratiquer le staff, mais on n'aura pas le temps cette semaine, on n'arrive pas à fitter ça dans l'horaire. Par contre, ça va être quelque chose de très faisable, parce que les événements privés, c'est quelque chose qui fonctionne très bien à l'arcade, surtout en COVID, et qu'on peut vraiment permettre beaucoup plus. Tu sais, au lieu qu'on aille un jeudi soir à 30 personnes, parce qu'on est obligé d'avoir 30 personnes, ben on ferme la place, puis on fait un événement avec plus de monde, tu sais. on peut, puis les gens ils payent plus pour le fait de réserver la place, donc c'est plus rentable pour nous. T'sais, c'est des affaires qui se font. Alors ça va venir. J'aimerais vraiment qu'on l'organise là, parce que moi je vois juste des noms dans Discord. Puis il y en a que je vois leur face aussi sur Facebook, mais il y en a non là. T'sais, fait que je sais plus qui est qui des fois. Je sais qui que vous êtes parce que je vous vois parler. Mais des fois, vous venez aussi parler à Rétro Nouveau dans nos lives. Puis là, il y en a que je réussis à faire des liens, puis d'autres non. Fait que bref, ça va venir. Puis merci de votre support, c'est très apprécié. J'ai vu aussi, en allant chez Arcade MTL, vous saviez qu'il y a le Meltdown, le bar e-sports, qui a ouvert exactement la même, genre 2 mois avant nous. Il y a 5 ans, donc nous on est en haut, eux ils sont au rez-de-chaussée. Puis en bas c'est un espace, c'est un local abandonné qui était anciennement le bar Passeport, que c'était quand même cool parce qu'il y avait de la bonne musique là, mais ça c'est fermé depuis très longtemps. Et puis le Meltdown aussi, on n'avait pas de nouvelles depuis méchant bout, et puis ils ont réouvert hier comme ça. À 4h moins 10, ils annoncent « On ouvre! Venez nous voir dès aujourd'hui à partir de 4h! » Fait que j'ai hâte de voir ça. Je voulais y aller hier, mais j'ai pas eu... un des propriétaires là-bas est très volubile. Alors, quand on se croise, c'est toujours très long. Donc là, j'essayais un peu de l'éviter le plus possible pour pas perdre mon temps, pour essayer de me sortir de la discussion parce que j'avais des choses à faire. Je me suis dit que j'allais aller faire un tour après notre meeting pour aller voir de quoi ça a de l'air, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il était déjà tard. Anyway, donc pareil que c'est tout rénové, là, tout ouvert. Je suis bien curieux de voir ça. Alors si vous aimez le Meltdown aussi, puis le bar eSports, quoi que c'est moins eSports qu'avant. Tu sais, quand ça l'a ouvert, il y avait des PC à l'entrée puis tout. Puis je pense que les PC, c'est relégué un peu à l'arrière maintenant, juste pour du en faveur du couch co-op et des affaires plus populaires comme nous autres, là, finalement. Pas d'arcade, là, mais plus des affaires de console. Donc, je vais aller voir ça aussi. Je voulais les mentionner. C'est nos voisins depuis longtemps. Fait que on va aller voir ça. Il y a eu un petit beef à l'interne, par exemple, là-bas. Puis Pierre, qui était comme en arrière du bar, puis un des propriétaires aussi... a quitté. Fait que j'ai écouté son stream, j'ai écouté son... il a streamé sur YouTube, de chambre. En tout cas, j'ai écouté ça sur YouTube. Donc, ça brasse, ou ça a brassé au Meltdown. On verra bien. Mais en tout cas, je suis quand même curieux de voir ça. Hey, les jeunes, on est en plein E3, comme je disais tantôt. Et puis ça, c'est fantastique. Donc, Nintendo Direct, tantôt à midi. Je vous gage une bière. Chez... Arcade MTL, qui n'aura pas de Switch Pro et rien par rapport à quelque chose de grandiose autour de la Switch. Moi, je suis convaincu de ça depuis très longtemps. Comme j'aime le dire, je vois pas pourquoi est-ce qu'une poule aux œufs d'or, en pleine, dans son prime, on devrait comme l'abattre pour mettre une nouvelle poule aux œufs d'or à sa place, tu sais. Alors qu'elle produit en masse, là, tu sais. Vous comprenez, les ventes de Switch, ça n'arrête pas ça, là, tu sais. Quand tu commences à moins en vendre, c'est là que tu penses à l'avenir, tu sais. Mais moi, en tout cas, business-wise, je connais pas les chiffres de Nintendo, bien sûr, mais de ce que je vois, c'est que la Switch est en feu présentement. Alors, pourquoi est-ce qu'il en ferait un autre, tu sais? Ça n'a aucun sens. Par contre, il y aura une suite à la Switch un jour, et puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va être, parce qu'ils ne peuvent pas abandonner ce qu'ils viennent de faire, tu sais. Tu peux pas... Tu sais, les consoles de Nintendo... NES, Super NES. Un Super NES, c'est comme un NES plus fort, tu sais. 64, là, c'était le début, tu sais, de la 3D, donc c'est un autre paramètre, c'est une autre chose. Cette console-là est une autre affaire. Là, la GameCube, ben là, ouais, on pourrait dire que c'est une 64 plus forte, tu sais, mais c'était les consoles à 10, tu sais, c'est comme une autre affaire. Là, la Wii, oh, c'était le Motion, fait que ça, c'est une autre affaire. Puis là, la Wii U, c'était une évolution, en gros guillemets, de la Wii, fait que c'était comme une autre affaire, comment dire. Puis là, la Switch, c'est ce que la Wii U aurait dû être. Fait que là, ils ont réussi à lander ça. Mais là, c'est tellement un hit. On dirait qu'ils peuvent pas abandonner la Switch, tu sais, puis faire une autre console qui sera carrément autre chose. Puis on sait que Nintendo aime faire des nouvelles affaires, mais ça ferait pas de sens. Fait que ça va être une Switch Pro, tu sais, juste une Switch plus forte, je sais pas. Mais le concept qu'elle soit portable, ça, faut que ça reste, c'est sûr et certain. Il faut que toute la librairie Switch soit compatible avec la prochaine console, peu importe ce que ça sera. Si ça s'appelle une Switch 2, une Double Switch, man. Je sais pas quoi. Mais c'est ça. Moi, puis, ils sont mieux parce que pas toute ma librairie Switch pour que ça suive, ça, là. Ben, même si ça suit pas, j'aurai toujours une Switch dans ma vie, tout comme j'ai toujours une NES, Super NES dans ma vie, et puis une Wii, puis bref, ça sera jamais un problème. Mais c'est ça, ils peuvent pas tourner le dos à tout ce succès-là, faut qu'ils continuent de bâtir là-dessus. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, mais je pense pas que ça va être aujourd'hui. Alors, si jamais il y a une Switch Pro qui sort, puis que vous me croisez chez Arcade MTL, vous me direz, puis, ben, il y en a une Switch Pro, alors je vous payerai un drink. Mais c'est ça. Puis le E3, donc, je suis pas du genre à suivre tout. Je vais juste regarder les affaires qui m'intéressent. Et bien sûr, une des affaires qui m'intéressait, c'était la présentation Intellivision qui a eu lieu hier à 12h45. Donc, un petit 15 minutes, là. Donc, écoute, je m'attendais à rien de ça, mais tu sais, Intellivision, là, il l'annonçait. Tommy disait ça, t'sais, oh, Intellivision va être au E3, on est honoré, c'est le E3, Intellivision E3. Là, je suis comme, ouh, c'est clair que, tu sais, il y a des affaires qui se passent, faut que tu profites de cette fenêtre-là, tu sais. Mais ça a été bien plate, sérieux. Encore, Tommy, bien sûr, il a expliqué qui il était, tous ses grands achievements, pour se donner de la crédibilité en tant que CEO d'Intellivision, ce qui est correct aussi. Mais je le ferais aussi à sa place, hein, bien sûr. Mais on le savait déjà. Et puis, il présente la console, de quoi ça a de l'air, qu'est-ce que ça fait. On le savait déjà, les petites lumières, on savait tout ça. Tous les jeux qu'il y a à venir jusqu'à date, on savait tout ça. Fait que il n'y avait pas rien sur Earthworm Jim. Et ça va être... vous ne l'aurez pas au launch, ce jeu-là, je vous le dis. C'est... Et puis, rien sur le prix de la console. Ils n'ont même pas parlé du prix des jeux, tu sais. Il n'y a aucune question d'argent, là, présentement. Moi, je pense qu'Intellivision, présentement, ils ont de la misère avec le cash et puis qu'ils cherchent des gens pour backer le projet puis les entreprises, les investisseurs, parce qu'ils ont besoin de pomper du cash là-dedans parce que ça coûtait plus cher qu'ils le pensaient. Donc, c'est ça. Et puis, malheureusement, tu regardes ça, puis... mais la console était bien présentée, tu sais. La forme, tu sais, j'aurais préféré qu'ils fassent ça carré ou quelque chose, à l'honneur de la Model 2, tu sais. T'es pas obligé d'être aussi rond, là, puis gogosse que ça. Mais bon, quand même, on va rendre à César ce qui appartient à César. La console était proprement présentée. Les manettes sont vraiment grosses, là. Ça, c'est weird. Mais, tu sais, ça fait ce que ça a à faire, là. C'était propre, là, puis c'était bien correct. Mais ça va coûter cher. Puis, si vous voulez lire aussi sur l'Intellivision encore, IGN ont eu une entrevue avec Tommy. Et puis, c'est sur le site d'IGN, là, où est-ce qu'ils ont fait une entrevue par email avec Tommy. Donc, IGN a envoyé les questions, Tommy a envoyé les réponses. Et puis, c'est des questions très pertinentes, très intéressantes, où est-ce qu'on apprend, bien sûr, pas grand-chose, mais moi, je peut-être un peu plus au courant du dossier, là, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir ça. Fait que c'est ça. C'était un peu décevant de l'Intellivision. Dans le fond, c'était juste encore une présentation de tout ce qu'on savait déjà. Ça a duré 15 minutes. Merci, bonsoir. Pas de nouveaux jeux, pas de date, pas de rien. Rien, tu sais. Ah, une chose. On le savait un petit peu déjà aussi pour ceux qui suivent le dossier. Mais il y aura des jeux physiques pour l'Amico. Et ça vient me chercher un petit peu. Puis je vois qu'ils font, il y a quelqu'un en charge de refaire les pochettes de ces jeux-là, mais à la saveur des jeux originaux Intellivision. Donc tout en illustration, avec les bonhommes et tout. C'est pas aussi ça coche que les vieux, bien sûr, mais je trouve ça intéressant qu'ils fassent l'exercice de cette façon-là. Mais en même temps, il n'y a pas de slot à cartouche, donc ça va-tu être comme une boîte avec un code dedans, ce qui est un peu whack, là, tu sais. Tu vas juste accumuler du carton, tu sais. Je sais pas, mais ils travaillent sur des affaires physiques. À moins qu'il y ait une slot quelque part, mais il me semble que j'en ai pas vu. Il n'y a jamais été question que cette console-là soit une console à cartouche, tu sais. Fait que, en tout cas, il y aura du physique pour les collectionneurs. Mais tu sais, c'est bien décevant au sens que moi, il y a 3 ans et demi, 3 ans, quand le projet a été annoncé, tu sais, sur la page Intellivision, tout le monde est comme « Oh, la nouvelle console Intellivision, tu sais! » Puis moi, j'avais mentionné « Hey, ça va-tu être comme la nouvelle, comme une AVS, mais Intellivision, tu sais, la AVS comme une NES, c'est pas une analogue, c'est beaucoup moins cher, mais elle fait la même job qu'une analogue NT, tu sais, l'AVS, donc c'est une NES qui joue du Famicom, puis du NES, bien sûr, et puis qui sort ça en HDMI, puis il y a des options, c'est une Christie de bonne machine pour ceux qui veulent jouer au NES en HD, c'est la machine parfaite à la moitié du prix d'une analogue, tu sais, j'en ai eu une aussi pendant un bout, excellent appareil, tu sais. Puis moi j'avais dit ça, « Hey, pourquoi la nouvelle Intellivision, ça sera pas ça, tu sais, pourquoi vous faites pas ça? » Puis là comme, « Oh, penses-tu que la AVS va vendre des millions et des millions? » Tu sais, eux autres dans leur tête, Intellivision, la nouvelle console, ça va être une toute nouvelle chose qui va vendre des millions à cause de notre super concept de jouer en famille, tu sais. Moi je suis comme, « Chris, personne veut ça, on veut juste jouer à l'Intellivision sur une télé HD. » Proprement, avec des manettes qui vont bien. Fait que faites une console là, qui est capable de lire les cartouches, là, parce qu'il y a des cartouches, il y en a partout dans la nature. Ici, chez Retro Intel, on en a. Tu sais, comme, il y en a partout. C'est pas rare, là. On veut avoir nos jeux Intellivision physiques, puis les jouer dans une machine HD. Faites une belle petite machine, là, puis mettez une carte SD, là, faites comme la Phoenix de Collector Vision, c'est tout ce qu'on demande, avec des ports de manettes. Là, vous allez me changer ces manettes-là pour avoir un pad numérique. Le pad numérique va être capable de détecter le jeu qu'il y a dedans, va afficher un overlay d'origine dedans, tu sais. Puis, faites pas, il n'y a pas de fil une manette, pas de fil de téléphone, une manette, peut-être garder le pad là, original, là, parce que ça, c'est très Intellivision. Puis je les comprends de le garder encore aujourd'hui, tu sais, ça ferait pas de sens de pas avoir ça. Là. Mais si tu veux garder la legacy Intellivision. Fait que bref, c'est tout ce qu'on demandait, une meilleure manette, un pad numérique, tu joues en HD, that's it. C'est tout. Je suis sûr qu'il en aurait vendu bien plus que ce qu'ils sont en train de monter, un petit bateau qui s'en va s'effouérer avec la Amico, man. Je suis sûr qu'il en aurait vendu plus. Fait que c'est ça. On va continuer à suivre le dossier. Cette machine-là devrait sortir cette année. Je peux pas croire. Il l'a-tu mentionné plus à l'automne? Ça se peut, mais il n'y a pas de date officielle encore. Donc, on aura sûrement nos analogues Pocket avant ça. Et j'ai bien hâte. Autre chose qu'il y a eu hier en fin de journée, puis j'ai pas pu l'écouter live, c'était la présentation Limited Run. Et puis ça, c'est crissement une affaire qui m'excite. Moi, les deux affaires qui m'excitent le plus, c'est tout le... quand il n'y a pas d'Intellivision, c'est Nintendo et Limited Run, parce que j'aime beaucoup les jeux physiques de Switch. Alors, je vais les passer un par un sur leur page Facebook, parce que je trouve que c'est la meilleure façon de voir c'est quoi. Donc, de l'annonce la plus récente à la plus ancienne, OK? Plumbers Don't Wear Ties, disponible sur Switch, PS4, PS5 et PC. Donc, légendaire jeu Weirdo, qui avait aussi sur 3... Ben, aussi, ou juste sur 3DO dans le temps, je me rappelle plus, des affaires de tout nu, là, en tout cas, c'est un film interactif, quasiment, donc c'est très... c'est weird en crisse, tu sais. Mais, ben, sais-tu quoi? Peut-être que je m'en pognerais une pour la collection, vu ce que c'est, tu sais. C'est très drôle. Contra Anniversary Collection, PS4, Switch, ça tout le monde va être content. Après Castlevania Anniversary Collection, Contra. Y a-tu un Gradius Anniversary Collection? Je me rappelle plus, je sais qu'il y a un Arcade Collection. Fait que bref, en tous les cas, tout ce qui est de collection de Konami, c'est populaire. Et puis, Limited Run vont les faire. Donc ça, je l'ai déjà téléchargé, digital. Moi, j'avais pas fait digital Castlevania parce que j'ai déjà tous les jeux physiques. Contra, j'avais pas tout. Alors, lui, je l'ai acheté digital quand il était en spécial. Mais je vais me prendre une copie comme ça, et de Castlevania aussi, pour la tablette seulement. Ça va être très propre. Là, ici, on a quelque chose de drôle. Castlevania Rondo of Blood. Donc, Rondo of Blood, si vous savez, c'est le jeu chronologiquement qui vient avant Symphony of the Night. Quand tu joues à Symphony of the Night, tu commences, la séquence du début, c'est la fin de Rondo of Blood. Rondo of Blood est comme dans le top 5, c'est sûr, des meilleurs Castlevania. C'est un excellent, excellent jeu. Et puis, c'est sorti au PC Engine seulement. dans le temps, et puis that's it. Il y a au PSP, il y a eu une compile qui avait Rondo et Symphony of the Night, très belle compile. Et puis il y a eu au PS4 Castlevania Requiem. Bref, qui est encore une fois la compile, la même affaire, Symphony of the Night et Rondo. Malheureusement, Requiem, qui a été annoncé Limited Run aussi, c'est disponible que au PS4, parce que, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est un deal de Sony. Donc, c'est un travail de Sony et Limited Run de faire exister cette affaire-là. C'est pour ça qu'il l'a pas sur Switch, très, très, très malheureusement. Mais moi, j'ai une PS4, alors je vais m'acheter ça aussi, Castlevania Requiem, parce qu'on n'a jamais assez de belles compiles Castlevania, et puis je pourrais y jouer. Mais moi, je vais essayer d'avoir une analogue duo, et puis pour revenir à Rondo of Blood, donc ça va sortir en format PC Engine, tu sais, Turbo Duo. Donc là, c'est ça qu'ils disent. It's getting a physical release on Turbo Duo. Donc là, ça va être une carte. Ça va être un CD en fait. Ça va sûrement être un CD parce que l'original que je possède aussi, c'est un CD. Et puis l'original Rondo of Blood PC Engine, c'est un CD. Et puis tu peux jouer à ça sur, bien sûr, PC Engine CD ou toutes les Turbo Duo, les affaires-là. Ouais, Turbo Duo. Excusez, c'est mêlant, mais vous savez de quoi je parle. Et puis l'analogue Duo va sortir éventuellement. Donc, on attend toutes les précommandes de ça pour virer fou, moi le premier. Donc, je vais probablement me pogner une copie de ce Rondo Turbo Duo-là, même si j'ai l'original. Rien que pour voir les deux, tu sais, ça va être quand même nice. Et puis, on verra bien. Mais c'est ça, je trouve ça très étrange de faire un release Turbo Duo. Qui d'entre vous possède une Turbo Duo à la maison, tu sais, pour jouer à ça? Fucking personne, tu sais. Fait que soit que ça va être un bibelot pour tout le monde, je sais pas, mais c'était une très très drôle d'idée. Ce qui fait aussi que on a un peu peur d'en commander beaucoup pour le magasin parce que personne pourra y jouer, tu sais. Ou genre ça va faire comme les taux pleins, les collections taux pleins, puis ça va se vendre. Ça va se vendre en Europe, whatever, comme c'est arrivé chez Retro MTL. Il y a eu une collection taux plein, des shooters, des shmups, de Genesis, grosse boîte, grosse de même. On en a commandé quelques-uns. Après que les chummies aient acheté leur copie, il en restait. Puis finalement, c'est comme, il y a du monde sur la planète Terre qui l'ont raté, cette release-là, puis qui cherchait où est-ce qu'il en restait, puis il en restait chez Retro MTL. Alors, on en a shippé en France, en Allemagne. C'était drôle. Fait que, est-ce que ça va faire ça pour Rondo sur Turbo Duo? On verra. Mais, tu sais, on a peur, là. Je pense qu'on va en commander juste une dizaine. Faut pas se ruiner. Castlevania Requiem, ça sera pour moi aussi. Retromania Wrestling, ça, sur PS4 et Switch, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un hommage à Matt Mania. Retromania Wrestling, ouais. Ça doit être un... T'as vu, c'est ça? Matt Mania. Ouais, Matt Mania est un jeu de lutte assez iconique, et puis ça doit être un hommage à ça, j'ai l'impression. Je pense pas me prendre une copie. Je sais pas comment le dire, Ruby Grim Eclipse, RWBY, je ne sais pas ce que c'est, pour Switch seulement. Je me renseignerai, d'après les petites images, ça a l'air joli, je sais pas c'est quoi. One Step From Eden, je ne sais pas ce que c'est non plus, on dirait un genre de jeu de cartes pour PS4 et Switch. Pas pour moi. Going Under, je ne sais pas ce que c'est non plus. PS4 et Switch, et je n'en prendrai pas. Republic Anniversary Collection, je sais pas non plus ce que c'est. Ça va être disponible sur Switch, PS4 et PlayStation VR, quand même. Donc, peut-être GF perdu dans le VR s'en prendra une copie. Dusk au PS4 et Switch, je sais pas ce que c'est non plus. The Takeover, on dirait un beat'em up ça, j'ai aucune idée ce que c'est, mais d'après le logo du jeu puis les screenshots, ça a l'air intéressant. PS4 Switch. Axiom Verge 2, ça on l'attendait tous beaucoup, donc bien sûr que je me prends une copie de ça. Switch, PS4 et PS5, donc c'était excellent, c'est un Metroidvania. Est-ce que je commence à être tanné ce terme là? Un Metroidvania mais vraiment Metroidvania. C'est comme un super Metroid. Là. Si vous avez jamais joué à Axiom Verge, c'est votre fixe super Metroid. Si vous en vous voulez un nouveau Metroid 2D, là, jouez à Axiom Verge. Fait que le premier était excellent. C'est sorti, ça fait un bon bout de temps déjà. Puis je pense que le dude qui travaille là-dessus, il doit pas avoir une grosse équipe s'il est même pas rien que tout seul à faire ça. Alors ça va être un gros hit, ça. Surveillez ça. The Hunt Down, ça c'est le fameux, je pense, attends un peu, je peux pas dire n'importe quoi. The Hunt Down, ça, c'est le Run and Gun, qui est donc style Contra, mais vous connaissez Broforce, j'ai comme l'impression visuellement, en tout cas en comparant que c'est fait par le même développeur, c'est comme Broforce. Mais en style Contra, donc tu rentres dans le tas. Très cyberpunk dans le look. Et puis, totalement badass. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a juste une version collector disponible PS4 et Switch. Donc, il n'y a pas de version. Puis là, ça vient avec le gros kit. Là. Une figurine style G.I. Joe, un tape, une cassette, une vraie cassette à musique là, pour le soundtrack. Puis un hostie de paquet de cochonneries que je veux pas. Donc, c'est disponible sur Limited Run en version que collector. Mais attention, j'ai fait quelques recherches. Et puis, je me suis rendu compte que... Attends un peu, sur Twitter... le développeur, je crois... Attends un peu. Clear River Games. Ils vont faire le release de la version originale en version régulière de Hunt Down. Donc Clear River Games, si comme moi vous voulez pas de hostie de collector, donc ces gens-là vont publier, je pense que c'est un publisher, c'est pas eux qui ont fait le jeu, ils vont publier la version regular de Hunt Down. Et puis ils vont aussi publier ils ont publié Ease Origin, donc c'est eux qui sont derrière ça aussi. Donc ça va être Euro, à ce que je comprends. C'est... Développé par Dotemu, publié par Clear River Games. Ça, c'était pour Ease. OK. Fait que bref, il y aura une version Clear River Games. Surveillez ça si vous voulez la version standard. Je sais pas si on va être capable d'avoir la version standard chez Retro MTL. Mais je vais définitivement chasser ça parce que ça fait longtemps que je joue à ce jeu-là. Skatebird. J'ai aucune idée de ce que c'est ça. C'est un oiseau qui fait du skate. Ça me dit quelque chose. En version physique de ça, on verra. Haven. Donc, qu'une idée de ce que c'est ça. PS5, PS4, Switch. Ça me dit rien. Blood Rain Betrayal. Fresh Bites. J'ai jamais joué à cette version. J'ai déjà joué rien un petit peu à un Blood Rain à un moment donné. Je pense sur PS3, j'avais téléchargé un jeu. Je me rappelle même plus c'était lequel. Puis j'ai comme l'impression que ceux qui sont plus style 2D, il faudrait que je m'y remette. Puis que je comprenne un peu c'est quoi ça Blood Rain. Parce que je pense que c'est un IP de Konami, me semble. Et puis ça a l'air quand même bien. Alors il se pourrait que je me prenne une version de ça. Je connais pas assez cette franchise-là et elle me travaille. Shantae. Ça, c'est spécial. Pour PS4 et PS5, une compile des 5 Shantae sur le même disque. Donc, ça, c'est très joli. Si vous avez une PS4 ou 5, moi, je prendrais ça à votre place. J'ai mes jeux Switch, j'en ai pas de besoin. Mais très, très beau. On en a commandé une coupe. OK, là, je suis excité. Là. Way Forward, ils viennent avec River City Girls Zero. Là, est-ce que je sais pas ce que c'est. J'aurais dû faire mes recherches avant de commencer le spectacle, désolé, je vais les faire après. Mais on dirait un genre de D-make de River City Girls, donc qui viendrait peut-être avant. C'est très 8-16 bits au look, là. C'est étrange. Fait que je sais pas ce que c'est ça, mais man, ça là, ça m'excite. Disponible sur Switch, et ça m'excite fucking encore beaucoup plus. Mais autant, mais plus, mais tout ça, je capote. River City Girls 2. Moi, River City Girls, j'ai adoré ça. T'sais, la Switch est une excellente console de beat'em up. Et puis, River City Girls, t'sais, c'est le beat'em up que j'ai trippé solide. Là. Streets of Rage 4 et River City Girls, c'est comme je trouve les deux meilleurs beat'em up sur Switch. Puis il y en a plein des bons là. Puis man, mais ça c'est sa grosse coche. Puis là, le 2 va être disponible sur toutes, absolument toutes. Et puis Way Forward, bien sûr, qui fait ça encore une fois. Puis là, c'est comme deux filles, une afro-américaine, I guess, puis une blanche, là. Puis ils sont pas... c'est pas Kyoko, puis j'ai oublié le nom de l'autre. Parce que moi, c'était Kyoko, c'était la mienne. Elle était comme ça, crazy. Je l'aimais beaucoup. Fait que, bref, c'est pas les deux mêmes filles. C'est deux... Ça, on leur voit pas la face. Ça coupe les yeux. On voit juste le nez, la bouche. Donc c'est, puis il y a pas d'information ni rien. Donc, je sais pas ce que c'est ça, mais ça va-tu être dans un univers autre, ça va-tu se passer en Amérique, ça sera pas avec Cugno puis sa gang, je sais pas ce que c'est. Attends un peu, y a-tu des commentaires ici? Same girls, different artwork. Those are clearly different girls. I think the girl on the left was one of the stars in the first game. Parce que tout le monde est comme, c'est quoi, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai vraiment hâte de voir. Donc, si c'est aussi bon que le premier, puis je vois pas pourquoi ça le serait pas, ça va être fourrette. Puis la soundtrack, man. Ah, faut que j'écoute ça. Je sais plus quoi écouter comme musique. La soundtrack de River City Girls. En tout cas, je suis bien excité de ça, gang. J'aime ça, bah. Ces filles-là, je les aime. Elles sont powerful. Girl power. Je vais jouer à ça avec mon jeune. Strife, vétéran édition. Je ne sais pas ce que c'est. Ça va être disponible sur Switch. River City Girls, disponible PS5, ça, en physique, bon, comme si vous aviez besoin de ça. Tu sais, quand une machine est vraiment plus forte, vraiment trop forte pour le jeu. Comme j'aime dire, c'est comme t'acheter une Lamborghini pour aller chercher ton courrier à boîte à mal. Double Dragon, Kunio-kun Brawler Bundle, donc ça, je vais checker ça certainement. Donc ça va être les Double Dragons... du NES, on dirait, tous les River City, etc. Donc, une belle compile, je vais me prendre ça, c'est sûr. Super Hot, ça, je ne sais pas ce que c'est. PS4, Switch, ça ne dit rien. On dirait un jeu à la Pistol Whip, en disant ça. Je comprends pas ce que c'est. Ah oui, ça, c'est intéressant. Une compilation Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol. Pour ceux qui ne savaient pas, Ghoul Patrol, c'est Zombies Ate My Neighbors 2. Donc, il y a des gros bundles là, avec des jeux Super NES dedans, puis des cossins encore. Moi, je veux rien savoir de ça, mais my God, je veux juste comme un jeu Switch avec les deux jeux dessus. C'est tout ce que je demande. Faites ça, s'il vous plaît. Et puis, tu sais, j'ai les deux jeux au Super NES, mais on va le prendre pareil pour la tablette. For the tablet's sake. Fait que ça fait le tour, mes amis. Alors, tout ça m'excite grandement. Puis quand j'ai fini d'enregistrer le spectacle, je m'en vais m'asseoir au bureau de Joe et puis on va préparer nos quantités et puis on va envoyer ça à nos fournisseurs. Bon, et comme je veux beaucoup de tout ça, ça nous prend ça. Absolument. Oh, yeah. Donc ça va dépenser. Aussi, c'était pas dans le E3 présentation, whatever, puis j'avais pris ça une note la semaine passée, puis je voulais vous en parler. Il y aura un slipcover en carton pour les trois Blaster Master, parce que il y a Blaster Master 0, 02 et 03 sort bientôt. Je sais pas s'il est déjà disponible en digital, je suis pas sûr, mais bien sûr, ils ont déjà fait les deux premiers, alors ils vont faire le troisième. Puis ça va être comme Shantae, une boîte en carton pour insérer tes trois jeux Blaster Master. Donc, ratez pas ça. On va en commander chez RetroMTL. Puis, tu sais, Shantae, il y a 5 jeux. Puis, la plupart du monde ont raté Pirate's Curse. De là, du fait qu'il est le troisième. De là, du fait qu'il est super cher. Puis, les deux premiers sont venus disponibles après. Puis, tu sais, comme les autres sont toutes faciles. Mais Pirate's Curse, il a comme tombé dans une zone où est-ce que le monde n'était pas encore full into le Switch Collecting, tu sais. Puis, fait que plusieurs l'ont raté. Moi-même, j'étais super chanceux que ça passe. Et puis de l'avoir parce que Fred me l'a trouvé direct de même parce que moi-même, je n'avais pas la présence d'esprit de commander ça. Alors, donc c'est plus dur de compléter ton kit Shantae de 5 jeux. Cependant, Blaster Master 1 et 2, nous, on en a vendu plein. Puis le 3, on va en vendre plein et c'est facile d'avoir. Ben là, tu peux plus en avoir des Blaster Master, mais tu sais, ça se trouve facilement là, présentement, puis ça vaut pas comme une fortune. Fait que si vous avez aimé la série, vous allez aimer le 3, je suis sûr qu'il va être super bon. Donc, Slipcover, tes 3 jeux de Switch dans le case. Merci, bonjour, tu mets ça à côté de ton Slipcover de Shantae. Moi là, ça c'est des petits plaisirs de collectionneur, ça me rend super heureux. Donc, dernière chose intéressante qu'on va avoir chez Retro MTL, puis ça fait un bout qu'on travaille là-dessus. Vous connaissez Pat Country, Pat de The NES Punk. On est en contact direct avec lui, Fred surtout, parce qu'il l'a rencontré justement au PAX East, là où il y a trouvé mon Shantae au bout de Limited Run d'ailleurs. Et puis Pat est de toutes les conventions pour vendre ses livres, et puis c'est ça, on parle directement avec lui pour être le... On essaye d'être le fournisseur canadien de ses livres NES et Super NES. Donc, on a commencé par... Puis, il est en train d'écrire celui de 64. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, on a fait une première run avec lui pour avoir... on essaye un premier deal avec lui. On y a acheté 50 livres NES et 50 livres Super NES. Puis là, ça part de San Diego, là. Non, peut-être pas, mais ça part des États-Unis. Puis, si vous avez déjà essayé d'acheter ces livres-là, ça coûte cher de les faire shipper ici. Alors, nous, on essaye d'acheter un bulk. En fait, on l'a acheté puis on l'a reçu, 50 de chaque. Et puis, c'était avec Pat. C'est compliqué quand même au niveau des frais. Finalement, le shipping a coûté plus cher. Fait que faut qu'on discute avec lui. Si vous avez écouté son dernier épisode de son podcast où est-ce qu'il se plaint du shipping au Canada puis que ça coûtait cher, puis plus cher qu'il pensait, puis qu'il est down parce qu'il a perdu de l'argent, ben c'est une transaction qu'on a faite avec lui. Mais là, il a pas perdu d'argent, puis il a fait beaucoup moins d'argent. Et puis nous, on va rattraper ça avec lui. C'est pas de notre faute, là. C'est ça que ça a coûté de son bord, il n'avait pas prévu. Mais on essaye quand même d'arranger ça. Fait que bref, on a reçu les livres, on va les mettre en vente pour la fin de semaine. Mais avant de les mettre en vente, il faut fixer le prix. Et puis c'est au niveau du fixage de prix que c'est un petit peu compliqué vu qu'on veut y redonner de l'argent, des profits qu'il y aura. Bref, il faut juste balancer ça pour que lui soit content et que nous autres, ça soit quand même rentable. Ces livres-là, bien sûr, on fera pas. On va faire très peu ou pas d'argent avec, finalement, je pense. Mais on essaie de worker ça avec lui. Puis on va annoncer ça cette semaine, donc soyez au courant. Et puis, c'est ces gros livres-là. Moi, j'avais déjà la version NES que j'avais acheté à mon ami Nick Chalifou, qui est sur ma table de chevet. Ça, c'est la version Super NES. Donc, celui de NES, il est comme ça aussi. Gros, gros, gros livre. C'est épais. Là-dedans, c'est une bible, ça. Là-dedans, il y a tous les jeux de la librairie. Et aussi non officiels, là, les jeux... voyons, Chris, comment est-ce qu'on dit ça? Les jeux pas endossés par Nintendo. Donc, voilà, en gros. Donc, chaque jeu est là, avec un descriptif de ce que c'est. Et en dessous, un petit review fait par Pat, où il y a des collaborateurs aussi qui travaillent là-dessus. Parce qu'il peut pas... souvent, pour les RPG et ces genres de jeux-là, il fait affaire avec des collaborateurs. Donc, c'est des très beaux livres, puis on va les mettre en vente, puis ils seront moins chers que si vous les achetiez directement là-bas, bien sûr. Donc, ça va être plus simple pour vous de les commander directement chez nous que de passer à travers tout le kit pour les commander des États-Unis, du moins pour le shipping, aussi moins stressant pour vous. Donc, ça s'en vient, surveillez ça, on va mettre ça en vente. Et puis, on est bien content de ça, de ce partnership-là. Puis moi, je suis bien content d'avoir mon livre de Super Nintendo. Je l'avais pas! Ah! Donc, à surveiller, ça s'en vient cette semaine. On a reçu des palettes de livres, on descend ça au sol et tout. Des grosses affaires. Donc, en finissant, je veux juste rappeler que j'ai créé des groupes Facebook. Parce que j'en parle pas assez souvent, je pense. Je suis pas full actif toujours là-dessus non plus, de toute façon. Le Club Vidéo Blanc est un groupe Facebook que j'ai fondé avec Eric Hébert, mon ami, de Chussou Fait que je review. D'ailleurs, Eric veut changer le nom de son show pour plus des affaires de sous nécessairement. Ça teinte le personnage. C'est ça le personnage, mais tu sais, bref, il veut comme se détacher de l'alcool pour avoir l'air d'un gars qui est dans l'alcool tout le temps. Et puis, suivez sa page, je suis sûr, fait que je review, toujours excellent. Mais on a fondé ensemble cette page-là, ce groupe Facebook-là, pour le plaisir, où est-ce qu'on présente nos jeux et la bière qu'on boit. Là, parce que c'est des choses qu'on faisait déjà sur l'autre groupe de bière très sérieux et très gros, qui est Capsule Bière, mais qui est devenu très désagréable. Fait qu'on voulait juste faire un petit groupe sur le site. Puis est-ce qu'un jour on va avoir une business de jeux et de bière, t'sais, je sais pas. On convertira ce groupe-là en ça. Mais bref, si vous aimez la bière de micro puis les jeux, vous aimez ça prendre des photos de ça ensemble, allez là-dessus, c'est bien casual, c'est bien le fun, et puis il n'y a aucun stress, tu peux être un casual gamer ou un casual amateur de bière, aucun jugement. Deuxième groupe que j'ai fait il n'y a pas longtemps, finir des cassettes. Je veux changer le visuel de ce groupe-là, j'avais retravaillé autre chose, j'ai pas le temps, mais en tout cas, ça existe. T'aimes ça finir les jeux comme moi, ça te stresse? Ben, ça te stresse. On va arrêter de mentionner, d'utiliser le mot stress, je vais être moins stressé. Mais moi, j'aime finir les jeux, ça me rend fier, j'aime noter les jeux que je termine, ça me donne comme des buts quand je joue. Et puis, quand je finis un jeu, je prends des photos, puis je le publie sur ce groupe-là, et puis il y a d'autres personnes qui aiment faire ça aussi, apparemment. Alors, c'est un petit groupe sympathique de gens qui s'amusent à terminer des jeux. Pas obligé que ça soit des cassettes, ça peut être n'importe quel jeu vidéo, n'importe quel format. C'est juste finir des jeux. Mais je trouvais ça le plus drôle d'appeler ça finir des cassettes. Donc, si vous aimez ça, joignez ce groupe. Encore une fois, très casual. J'ai un autre groupe aussi que j'oublie, ma foi, que j'ai fait il y a des années. Atari Vision, qui est pour les amateurs de consoles Atari, Coleco et Intellivision. Donc, c'est un mélange des noms. Et puis, c'est un groupe, ça, sur lequel je voulais comme juste publier les nouveautés que j'achète, les affaires, les nouvelles par rapport à ça. Et puis, que c'est un groupe que je n'entretiens pas pantoute. Mais en tout cas, si vous aimez ça, vous voulez pitcher des affaires là-dessus, allez-y. C'est pas, j'ai un peu gêné de tout ça, mais je le ferme pas. De toute façon, on peut pas vraiment fermer un groupe. Hein. Peut-être que j'y reviendrai plus à un moment donné, mais je suis plus tranquille sur ces... Ben, je suis même pas si tant tranquille sur ces consoles-là. J'ai acheté une Phoenix de Collector Vision, je surveille les affaires Atari. Mais bref, j'ai fait ce groupe-là, puis il existe. Puis si vous voulez aller le stalker ou embarquer dessus, allez-y. Présentement, il y a pas mal juste des Français qui veulent vendre leur shit qui apparaissent là-dessus, étrangement. Donc, j'essaye d'enlever ça de là. Mais j'ai vu, puis je l'ai publié, c'est pour ça que ça m'a rappelé de vous rappeler ce groupe-là. Superman, version Sears Telegames, Picture Sears Telegames, est rendu à un prix malade, je me rappelle plus. Je vais aller voir. Ça, si vous faites la série Sears Telegames des Pictures, ça, c'est des jeux qui existent... Attendez, là. Discussion. OK. Si vous faites vous intéressez aux séries de jeux, tu sais, il y a Silver Label, Activision Special, il y a, tu sais, comme... Telesis, Tiger, tu sais, comme il y en a plein des développeurs, publishers de jeux Atari. Et puis moi, j'aime essayer les Konami, il y a trois jeux, tu sais, j'aime y aller par série comme ça. Et puis Superman pour Sears Telegames est comme le jeu comme fucking pas trouvable qui valait super cher. Puis là, hier, il y avait une enchère de ça. L'enchère, il y a 29 enchères dessus, puis il reste 6 jours. Encore, puis le jeu est rendu à 1429 canadiens. Fait que là, man, j'en reviens pas. Collectionner l'Atari puis essayer de compléter l'Atari, c'est très difficile. C'est pas une question d'argent, c'est une question de disponibilité des jeux. Il y a des jeux là que j'ai BMX Air Master version US. J'ai une notification d'activer eBay là-dessus depuis des années. Puis c'est plate parce que la version TNT, il y a une version TNT de ça. Moi, je veux la version Red Label, fucking introuvable. La version TNT, hyper commune. Fait que je suis constamment notifié de cette calisse de jeux-là. Mais un jour, il va popper le vrai au travers de ça. J'ai déjà réussi à avoir des jeux très difficiles, dont Blackjack Picture Label à Atari. Bref, Atari, c'est ça. C'est compliqué parce que c'est très, très, très dur de trouver des affaires. Astérix et Obélix, version NTSC, là, version américaine, j'ai ça, puis je suis vraiment content, puis man, tu vois pas ça souvent, là, tu sais. Donc, très difficile et peut-être même très décourageant collectionner l'Atari, mais quand j'ai vu ce Superman-là, j'en revenais pas, j'ai publié sur la page, il y a eu deux réactions, Et puis, ça a été vu par 38 personnes. Donc, le monde est comme « Oh! » Le monde s'en calisse. Puis c'est bien correct. Donc, voilà. Le groupe Atari Vision. Un groupe très tranquille. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, mes petits lapins. J'ai déjà pas mal fini mon gros café. Puis je suis comme high présentement, ça a caféine. Je continue ma tradition d'arrêter de boire du café l'après-midi. Ça aide. Donc là, je vais publier cet épisode-là aujourd'hui. Il y a plein de choses à écouter aujourd'hui. C'est le fun. Voilà, je vais avoir une semaine busy à me concentrer sur les prochaines choses à venir. Je vais être quand même beaucoup plus zen, je pense, à partir de la semaine prochaine, alors que le bar sera en fonction. Et puis, on verra à combien ça me garde occupé, ça. Mais voilà, donc je vais essayer de faire des épisodes autant que je peux. Et puis, c'est cela. Merci à tout le monde d'avoir été présent, encore une fois, à ce fabuleux podcast. Quel podcast chez Papa Cassette qui est même pas chez Papa Cassette. Ça me fait bien plaisir de voir qu'il y a des petites centaines de personnes qui m'écoutent sur YouTube et j'imagine plus en podcast aussi, en version audio. Je sais pas, hein, je prends jamais le temps de calculer combien de personnes qui écoutent ça, mais juste de voir qu'il y en a, ça me fait très plaisir. Alors, vous êtes bien swell, la gang. Alors, prenez soin de vous et puis on se revoit très bientôt.